qu'il soit vu pour propager le feu. J'suis qu'un peu bête, j'mets le feu dans le réseau. Rider skill, c'est pas du show, c'est un flambeau. J'prie pas pour briller, j'prie pour qu'on capte que le gaming c'est sacré, que le stream c'est un acte. Chaque view et qui clique, c'est une âme que j'touche. Chaque raid que j'livre, c'est la passion que j'débouque. J'joue pas pour le buzz, j'joue pour l'appel. Et j'veux que le monde entier vive le ciel. Cœur sur l'écran, mais l'esprit dans les cieux, connecté au clan. Radar skill, c'est plus qu'un pseudo, c'est un cri. Une voix pour les vrais, une lumière dans la nuit. Je veux que ça clique en Corée, au Maroc, au Brésil. Je veux qu'on capte que c'est réel, que c'est fragile. Mais bon, grand, brûlant, lourd. Et que chaque viewer se redresse avec amour. Pour les chiffres, je prie pour les gens. Je prie pour que chaque stream touche quelqu'un et que Rider Skill soit leur feu. Rider Skill.